vouloir que le monde change. Chanter à jamais l'hymne, à l'amour comme un signe d'espoir chaque jour. Qu'un grand soleil chante au cœur de nos vies. Vouloir que le monde change. Ensemble. Vouloir que le monde change. Prions seul ou à deux, dans toute langue, tout pays. Et que naisse la vérité de l'amour partagé. Et vouloir